l'endroit. À l'envers. À l'envers. À l'endroit. Repoussant à ma place. Me rebutant à ma place. Endroit. Envers. Sans limite. À l'envers, à l'endroit. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Love. Intercontinental l'eau. Avec ce qu'on a, ce qu'on peut faire. Avec nos lemas. Avec mon envie. We'll be right back. interminable. À l'intérieur, tout ce qu'on veut. One for me. Après dodo, hein. Wow.